الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc on poursuit dans notre lecture. بإذن الله وتعالى. Donc la dernière fois on avait fait un rappel, bon vous savez, vous l'avez entendu, je l'ai déjà diffusé hier, par rapport à cette masala du Minhaj, dont beaucoup de gens ne font pas preuve d'équité. Et on a pris un hadith qui est Ikram al-Zaif, qui était le fait d'honorer son invité, que l'invité il a droit à 3 jours. Premier jour, on se consacre bien sur lui, on l'honore autant que possible, et les 2 jours suivants, on peut, on va dire, baisser le rythme, mais il a droit également à ces 2 jours-là. Et ce qui est au-delà de ces 3 jours, c'est de l'ordre de la sadaqa. C'est mustahab, c'est recommandé. Mais la bonne hospitalité et honorer l'invité est une chose que l'on trouve principalement chez les muslimines. D'accord ? Dans les pays d'islam, tout le monde qui est parti là-bas a reconnu que les muslimounes étaient très hospitaliers et très généreux, même dans les pays pauvres. Contrairement à des pays comme ici, comme la France, où les gens sont très avares, très méchants également les uns des autres, et il y a très peu de convivialité. C'est une réalité. طيب يقول maintenant on va prendre le 106e hadith de ce kitab qui est le 6e de ce fasl. Le fasl qui est التعامل بين المؤمنين, c'est-à-dire le relationnel entre les croyants. قال بعنوان حق المسلمي على المسلمي, le droit du musulman sur le musulman. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 6. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه, وإذا دعاك فأجبه, وإذا استنصحك فانصح له, وإذا عطس فحمده فحمد الله فشمته, وإذا مرض فعده, وإذا مات فأتبعه. رواه مسلم. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que le droit du musulman sur le musulman se divise en 6, c'est-à-dire 6 priorités. Mais en réalité, il y a plus que 6 droits, il y en a plus que 6. Mais là, ce sont vraiment les principaux. Il a dit, et que sont-ils au message d'Allah? Il a dit, si jamais tu le rencontres, tu lui passes le salam. Si jamais il t'invite, alors tu réponds à son invitation. Si jamais il te demande conseil, alors conseille-le. Et si jamais il éternue et qu'il loue Allah Azawajal, alors fais-le le tashmit. Et la dernière fois, on avait pris un vers qui parlait, c'était quoi le tashmit? C'est le fait de lui dire « Yarhamkullah », l'invoquer que Allah lui fasse miséricorde. Et s'il tombe malade, rends-lui visite, et si jamais il meurt, suis son convoi funéraire. Donc là, ce sont les principaux droits du musulman. Et parmi ces droits du musulman, en fait, il s'agit de la plupart, ce sont des wujub kifai, des obligations communes dont doivent se charger certains. Si certains s'en chargent, alors ce n'est plus obligatoire sur les autres. Il a dit awwalan, et là quand on parle du musulman, c'est le musulman, celui qui est soumis à Allah Azawajal, celui qui acceptait la religion de l'islam. Donc il dit, si jamais tu le rencontres, tu lui passes le salam. Alors sachez déjà une chose, que passer le salam en premier n'est pas obligatoire. C'est fortement recommandé. C'est une cause pour que l'amour se répande entre les musulmans. Et il a dit le Nabi sallam, Ala adullukum ala shay'in zafa'altuhum ahbabtum. Qala afshu baynakum as-salam. Il a dit, ne vais-je pas vous informer d'une chose, que si jamais vous l'accomplissez, vous allez vous aimer entre vous. Et il a dit, répandez entre vous le salam. Donc celui qui commence par ce salam, il aura ouvert une porte de cause pour que l'amour se répande entre les musulmans. Et c'est vrai que c'est apaisant quand tu es dans la rue, quelqu'un te voit et te passe le salam, ça fait très plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Par contre, une fois que quelqu'un t'a rendu le salam, alors toi tu lui rends le salam obligatoirement. Le salam est obligatoire. Le passer en premier n'est pas obligatoire, mais le rendre est obligatoire. Dans le Coran, Allah, il a dit « Faizé hoyeitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha urudduha » Si jamais vous êtes salué, alors salué de la même façon ou mieux encore. Ça veut dire que quelqu'un te dit « Salam alaikum », toi tu lui dis « Alaikum salam » ou tu peux ajouter « Alaikum salam wa rahmatullah » ou tu peux dire « Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh » Mais tu ne peux lui donner un salam moindre que le sien. Par contre, c'est obligatoire de lui rendre le salam soit au même niveau que lui, s'il a rajouté, ou alors plus que lui. Et la dernière fois, on avait pris un hadith également qui donnait l'ordre du salam. On avait pris le salam que celui qui est assis passe le salam à celui qui est debout. Que celui qui marche passe le salam à celui qui est stationné. Et que le grand nombre passe le salam au le petit nombre, ceux qui sont moins nombreux passent le salam au grand nombre, et que le petit passe le salam au grand. Ça, c'est ce qui est préférable. Donc, rendre le salam est obligatoire, mais le passer ne l'est pas. Donc, c'est un droit du musulman, mais en réalité, si demain tu vois musulman, tu ne passes pas le salam, tu n'as pas commis de péché. Mais c'est mieux de le faire. Après, il a dit, Izeda'ak fa'ajibhu. Si jamais il t'invite, alors réponds-lui favorablement. Et l'invitation à répondre qui est obligatoire, c'est celle de la walima, pour un mariage. Celle-ci, si tu n'as pas d'excuse, tu dois t'y rendre. Et bien sûr, il s'agit d'une walima par laquelle il n'y a pas de munkar, il n'y a pas de choses mauvaises, répréhensibles. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de mixité, il n'y a pas de taswir, il n'y a pas de choses mauvaises. Là, à ce moment-là, tu y vas. Sans quoi, si jamais il y a du haram qui s'y déroule, alors tu ne peux t'y rendre que si tu es en mesure de conseiller que ce haram va changer. Sans quoi, si jamais cela ne servira à rien, n'y va pas. Même si les gens sont blessés ou ce qui s'ensuit, tu leur dis « Moi, je ne viens qu'à condition qu'il n'y ait pas ceci, pas cela. » Si jamais il y a ceci, cela, je ne viendrai pas. Et cela en guise de réprimande. Cela en guise de réprimande. Par contre, l'invitation pour autre que la walima, c'est recommandé d'y aller. Maintenant, si quelqu'un a fait une chose particulière pour toi, pour t'inviter, vas-y, par exemple. Un frère, il a dit « Yahri, on a préparé à manger à la maison, pour tel et tel jour, je veux que tu viennes. Toi en particulier, vas-y. Vas-y. » Mais là, il parle de la walima. Ce qui est vraiment obligatoire, c'est l'invitation pour le repas de mariage. Il dit « Si tu te demandes conseil, alors conseille-le. » Car beaucoup de gens demandent des conseils dans plein de situations. Après, vous savez, il y a des gens qui demandent des conseils juste pour entendre quelque chose. Pas vraiment pour agir derrière. Mais quand tu sens que quelqu'un... Parce que tu en as déjà, ils demandent des conseils, ils te font perdre ton temps, en fait. Ils demandent un conseil, tu le conseilles, il dit « Ah, barakallah, fait qu'il arrive, zekallah, okhayal. » Il fait tout le contraire quand il part. Donc, en fait, lui, t'as charrel pour rien du tout. D'accord ? Il t'a pris de ton énergie, il t'a pris de ton temps, il t'a pris de... Et au final, il fait rien de ce que tu lui dis. Donc, là, maintenant, ça... concerne quelqu'un qui veut un conseil, il a besoin d'un conseil, fir'lan, et il te voit, elle est sincère, et que tu peux lui apporter. Apporte-lui un conseil, dans différents domaines, que ce soit. Et des fois, même si on ne demande pas conseil, il y a des conseils qui sont obligatoires à prodiguer pour les gens qui font du mal. Car il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad-din an-nasiha. Donc les gens, il faut les conseiller. D'accord ? Quand tu vois un munkar qui se fait, eh ben tu fais an-nasiha. À ta manière, à ta façon, et avec sagesse et avec ilm. Par exemple, ce que j'ai fait la dernière fois comme audio où je parlais pour les frères par rapport à la mas'ala, c'est une nasiha. D'accord ? C'est une nasiha. Donc, il te demande conseil, conseille-le. Maintenant, je vais l'expliquer. Attention aux gens qui, des fois, également demandent des conseils, ils ont des wasawis. Il demande des conseils et tu vois bien que la personne, en fait, elle a des waswas. Si tu rentres dans son waswas, il va t'embarquer avec lui. Donc, il faut le faire comprendre. Des fois, tu as des gens qui posent trop de questions pour rien. D'accord ? Un tas de détails pour rien. Moi, ça m'arrive des fois, je reçois des mails de personnes. Ils me posent une question. Je lui réponds. Et une réponse globale qui peut emmener à d'autres, déboucher sur d'autres réponses. À peine j'ai répondu, je reçois un mail direct qui me demande encore plus par rapport à la question de base. Généralement, quand on me fait ça, je réponds plus. J'ai envie de dire à la personne, lis bien ma réponse, elle est suffisante. Parce qu'après, ça s'arrête pas. Hein. Tu lui réponds, il te pose une question. Tu lui réponds, il te pose une question. C'est des gens, ils ont des waswas, ça. Et tu te demandes est-ce qu'ils vont agir en plus dans ce que tu leur dis. Et ça, c'est fréquent. Hein. T'as des gens, on dirait, comme ils te voient, les machères, ils ont ça. Ils sont là, t'as un chère, Massalène, quelqu'un, il voit un chère, il dit « Ah, oh, il y a un chère !» Et on pose une question. T'as une question à poser ? Non, mais comme il y a un chère, vas-y, on va trouver une question. Si t'as pas de question, ne va pas l'embêter. Et si t'as un vrai problème, pose une question d'une chose dont tu as besoin, concrètement. Ah, mais les choses, et les si, et les si, et les si, ça, t'en as pas besoin. Mais demain, t'as une situation qui est devant toi, impérative, pose la question. Tu as une chose dans le ilm concret qui t'a posé un problème pour ton avancée, pose ta question. D'accord ? Ah, mais les questions comme ça de foudoul, même si c'est ilmi, mais t'en as pas vraiment besoin, c'est juste parce que t'as envie de poser une question, ça oublie-le. Car les gens qui posent trop de questions, le jour où ils ont une vraie question, on leur répond plus. Parce qu'il faut comprendre une chose, répondre aux questions, ça prend du temps. Vous comprenez ? Donc, faut prendre des questions importantes et pour des choses réelles. Et il y a des gens également, ils te posent une question, ça, c'est un cas que j'ai connu, personnellement, ils te posent une question, ils te font un détail de leur vie privée, ils veulent nasiha, ils disent. Tu veux voir le shir. Déjà, tu peux pas raconter tout ce que la personne t'a dit dans son mail. Les gens ils pensent qu'on traduit, on va voir le shir, mot à mot, on traduit ce qu'ils nous disent. Et là, des fois, on peut pas. Déjà, des fois, ils t'envoient un tome. Il m'est arrivé ça, tel jour, à telle heure, avec ma grand-mère, avec ma voisine, avec mon frère. Hey, tu vois que je vais voir le chien, moi, je vais lui dire tout ça. Tu vas voir le chien, tu fais un résumé concis de la question, les points essentiels. D'accord ? Le chien répond. Des fois, tu veux qu'il fasse quoi, le chien ? C'est pas... Il va pas te faire une thérapie ou... Tu vois ? Le chien, il dit, patiente et crains Allah. Dans ta situation, t'as pas d'échappatoire. T'es dans une situation de contrainte, tu peux rien faire. Les gens, tu leur dis ça, ils sont pas contents, mon frère. Quoi, c'est tout genre, j'ai que ça comme réponse. Tu veux quoi de plus comme réponse? Tu veux que le chien te mette un canapé, tu t'assois, tu racontes ta vie, t'écoutes, il dit oui, à la fin, il te dit non. Eh, les machins, ils sont occupés. Et des fois, un craint Allah et patiente, c'est l'une des réponses les plus complètes qui soit. Ittaqullah wasbiru. Le sobre, des fois, c'est la solution va venir avec le sobre. Craint Allah, c'est-à-dire évite les péchés autant que possible. Patiente, tu verras que ça va s'apaiser par la suite. Innama al-usri yusra. Avec la difficulté, vient la facilité. Mais t'as des gens, en fait, ils veulent que tu les prennes en charge. Ils veulent qu'ils se prennent pour le centre du monde. Il faut que tu te poses avec eux, tu leur donnes toute ton attention. Et si jamais tu le fais pas, ils se révoltent, ils sont pas contents. D'accord ? Ce genre de personnes-là, quand tu les repères, perds pas ton temps avec eux. Ils sont jamais contents. D'accord ? Ils sont jamais contents. Malheureusement. Parce que le but, c'est pas toi une réponse, c'est faites attention à moi, regardez-moi, écoutez-moi, j'ai un problème. Mon problème, c'est on dirait ce problème. On dirait que personne n'a de problème à part cette personne-là, tu vois. Il porte la misère du monde sur son dos. Je suis une victime, il m'arrive que des problèmes, j'ai ci, j'ai ça. J'ai dit t'as des problèmes, tout le monde a des problèmes dans sa vie. Et si le chien te fait une nasiha sur une chose, et ces gens-là, tu les vois, hein, leur question a été posée, ils ont la réponse, non, ils veulent encore la même question à un autre chien. Et après un autre chien, et après un autre chien. Et comprennent pas c'est quoi l'importance du temps et c'est quoi l'importance des questions. Malheureusement. Donc attention quand vous posez des questions aux gens, vous voulez une nasiha, soyez résumé. Maintenant, c'est quelqu'un que tu connais, Charsi, hein, un ami à toi, t'as le temps de te poser avec lui, la baisse. Mais quand c'est une personne qui a du ilm, qui est occupée, qui n'a pas le temps, ne surchargez pas les gens avec trop de questions. Résumez à l'essentiel. Et quand une réponse vous vient, soyez content et dites Barakallahu fik, alhamdulillah, j'ai une réponse au moins. Et s'il n'y a pas de réponse, comme dans la machafaral. Ça arrive. Donc après, il a dit Izé'ata ça. On l'a expliqué la dernière fois. S'il éternue, il dit Alhamdulillah, ça c'est important. Il dit Alhamdulillah, toi tu le dis Yarahamakullah. Et après, il dit quoi lui Yahdikumullah ou Yuslihu ba'alakum. Et ça, s'il dit Alhamdulillah, tu es obligé de dire Yarahamakullah. Ça c'est un haqq aïn. Toute personne qui l'entend doit dire Yalhamakallah. Et après, il a dit si tombe malade, il faut lui rendre visite. Rendre visite au malade, c'est très important. D'accord. Mais c'est une chose qui est gazalique de l'ordre du Ford Al-Kifa. Et si certains le font, d'autres n'ont pas à le faire. Mais si quelqu'un tombe malade, que ça a été su également, et que personne n'est venu, on prend tous le péché. Et c'est une précision importante. que ça a été su. Parce que des fois, tes gens tombent malades, ils te le disent pas. T'es pas au courant, ils sont malades. Par exemple, tu connais un frère, tu connais une sœur. Et vous vous croisez de temps en temps, une fois par semaine, toutes les deux semaines, une fois par mois dans le quartier, ou voilà. Et pendant 3 jours, tu vois pas la personne. Et après, tu dis, j'étais malade. Mais tu ne le savais pas. Et des fois, la personne, tu la vois pas tous les jours. Donc, tu ne pouvais pas te dire, ouais, elle est malade. Si c'est quelqu'un que tu vois une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, pendant 3 jours, tu ne le vois pas, bah, tu dis, normalement, pendant 3 jours, je ne le vois pas de base. Donc, je ne pouvais pas savoir qu'elle était malade. Et tu as des gens, ils sont tombent malades, ils ne le disent pas. Ils prennent leur mal en patience, ils disent rien. Donc à ce moment-là, t'as pas de péché, tu ne savais pas. Maintenant, tu sais qu'il est malade. D'accord ? Et qu'il est visitable. Parce que t'as les gens, des fois, on ne peut pas les visiter. Ils sont trop malades ou sont dans des situations où tu ne peux pas avoir accès à eux. Ça, c'est autre chose. Sans quoi ils sont malades, va aller voir, passe un salam, un petit mot, un dora, ça fait plaisir et toi, tu as une récompense. Auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, quand on sait que quelqu'un est malade, d'accord ? Et qu'il est accessible, alors on se doit d'aller lui rendre visite au moins une ou deux personnes qui aillent. Sans quoi, si personne n'y va et que ça a été su, eh ben, le ism est porté sur les gens concernés. Et pareil, on conseille aux gens qui sont malades et que personne ne leur a rendu visite, également d'être compatissant, se dire que des fois les gens, ils sont pas au courant. On leur dit, ouais, personne n'est venu me voir, mais peut-être que les gens n'étaient pas au courant que tu étais malade. Faut pas en vouloir à toute la terre. Des fois les gens sont. Voilà, ou des fois t'en les habites loin. Par exemple, t'es dans une ville, t'es malade, et des gens sont courants que t'es malade, mais ils sont loin. Il y a une machaca pour qu'ils viennent. On peut pas leur en vouloir s'ils n'arrivent pas à venir. Donc faut faire la part des choses dans les deux côtés. Faire l'effort de rendre visite au malade, et que le malade, lorsque les gens ne peuvent pas malgré eux, qu'ils comprennent, qu'ils soient tolérants par rapport à cela. Et il a dit, s'il meurt, on suit sa janaza. On suit sa janaza. Et la janaza, kazalik, c'est un fard kifa'i. Quand quelqu'un y meurt parmi les muslimines, c'est un fard kifa'i de le laver, de l'embaumer, de faire salade sur lui et de l'amener au makbara. Si certains le font, tout le monde n'a pas à le faire. D'accord ? En plus, aujourd'hui, maintenant, il y a des moyens de le faire savoir. Les gens, ils mettent sur leur statut WhatsApp ou autre. Ils font des annonces des janaza qu'il y a. Ils font des annonces des janaza qu'il y a. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, que faire salade sur une janaza, c'est un âge de un qirat. Et suivre la janaza jusqu'à ce qu'elle soit enterrée, c'est deux qirat. Et l'interrogé, c'est quoi qirat? Il a dit, Misl Uhud. C'est-à-dire, tu as une récompense de l'équivalent de la montagne de Uhud. Juste pour la salat. Si jamais tu suis la janaza, jusqu'à ce que le mort soit enterré, tu as deux qirat. Mais je ne vous cache pas que les janazas en France, elles sont compliquées. Elles sont extrêmement compliquées. Car souvent, le makbara, il est loin du masjid. Des fois, ils vont faire salat dans un tel masjid, et après, il faut un corbillard pour emmener la personne jusqu'au makbara qui est loin. Alors que quand on est au Yémen, ça n'a rien à voir. On fait salat. Soit au masjid, si on n'a pas le choix, soit directement dans le makbara, c'est à côté. Les gens portent le défunt sur leurs épaules, sans cercueil, directement. Ils le mettent dans la tombe, et alhamdoulilah, c'est facile. L'islam, en pays d'islam, c'est facile. L'islam, en pays de kufr, c'est compliqué. Les choses les plus simples sont compliquées. Et complication après complication, ça amène à délaisser des choses qui, à la base, embellissent notre vie, nous font le rappel, font monter la foi, nous rapproche d'Allah Zawajel, nous donne ajr. Ici, c'est difficile. Yaqul fawaid al-hadith. Bayan sit khisal min haqq al-muslim ala akhihi bi muqtada ikhwat al-islam. Donc ce hadith montre ces six droits du musulman envers le musulman qui sont impliqués par l'islam. C'est ça qui nous lie. Mais comme je l'expliquais, ces six droits sont des principaux, il y en a d'autres. Des droits du musulman. Il y en a d'autres. Thaniyan, mashru, par exemple, on avait pris le lien de parenté, on avait pris le voisin, on avait pris. Vous voyez, ça rentre dans les droits du musulman. Mashru'iyat al-salam 'inda al-liqa' wa huwa sabab lil-ulfa wal-mahabba bayna al-mu'minin. Qu'il faut se passer le salam en se rencontrant et que ça, c'est une cause justement d'amour entre les croyants. Et vous savez, ça fait mal au cœur des fois, vous voyez des gens de l'islam, ils voient que vous êtes des musulmans, ça se voit, t'as l'apparence de la sunna en toi, t'es un frère en sunna, t'es une sœur en sunna, ça se voit. Il te voit, il te dit bonjour. Subhanallah. Tu n'as pas honte. Et un frère m'a donné une bonne réponse à donner à ces gens-là. Il a dit, moi quand ils me font ça, je leur dis, wa alaykoum bonjour. Et là, il te regarde d'un air, ouais, il sait qu'il a gaffé, tu vois. Il a dit, ouais, attends, je suis devant toi, je suis ton frère. Comme ça, tu me dis bonjour. Regarde les bonjours pour les koufars, moi je suis ton frère, tu me dis salam alaykoum. C'est ça le salam entre les musulmans. Tu vois. C'est-à-dire, tu me traites comme tu vas traiter un kafir. J'ai pas de valeur d'islam à tes yeux. Ça fait pas plaisir de voir ton frère ou de voir ta sœur. Tu rentres dans un commerce, il te voit que t'es en sunna, tu fais la queue, tu viens pour acheter une boulangerie ou une épicerie ou je ne sais où, au marché. Il dit bonjour monsieur, bonjour madame. Tu dis salam alaykoum yahri. Ou les sœurs entre elles, salam alaykoum yahorti. Tu vois, des... En plus, ça met une forme d'affinité entre nous. Non, bonjour. Subhanallah, ça casse le cœur, ça. Je crois que je préfère qu'ils me disent rien du tout qu'ils me disent bonjour. Personnellement, moi, hein, je préfère qu'ils me regardent, ils me disent rien, qu'ils me disent bonjour. Après, c'est mon avis à moi. Tayyib. Thalithan, mashru'iyati ijaba da'wat al-muslim wa ya wajibatun fil walima illa limani'a wa manduba fi ghayriha. Qu'il il faut répondre à l'invitation du musulman, et comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est obligatoire pour une walima, sauf s'il y a un empêchement, et que c'est recommandé pour autre que la walima. Rabi'an, an al-muslim yabdhu li akhihi an-nasiha wa yata'akkad idha tuliba minhu dhalika aw wujida muqtadaha. Que le musulman doit prodiguer le conseil à son frère si jamais le demande. Ou même s'il ne demande pas qu'il y ait un besoin, il doit le donner quand même. T'as des gens, même s'ils ne demandent pas, tu vois qu'il faut le conseiller le frère ou la sœur. Il y a un truc qui ne va pas. Ou un truc qui pourrait mieux faire. Tu vois. Une nasiha pour améliorer quelque chose. Une nasiha pour corriger quelque chose. Une nasiha pour encourager quelque chose. Tu vois qu'il y a un besoin, n'hésite pas à la faire. Fais-la bien. D'accord. Fais-la bien. Mais si tu la demandes, c'est encore plus... il est encore plus obligatoire de la donner. Mais comme on l'a expliqué aux gens... Demander une nasiha concrètement pour l'appliquer, pas un waswas juste pour parler ou pour faire raconter sa vie. Un vrai truc. Khamisan mashru'iyati tashmit al-aatis idha qala alhamdulillah wa huwa haqq ala man sami'ahu. Et qu'il faut dire, faut faire le tashmit à celui qui éternue qui dit alhamdulillah. Et c'est un droit pour toute personne qui aura entendu ce frère ou cette sœur éternuer. سادساً عيالة المسلم لأخيه حل مرضه حق عليه ويتفقد أحواله بها ويقدم له النصيحة يحتاجها وسبب لنشاطه وتخفيف مرضه. Donc que le muslim doit rendre visite à son frère lorsqu'il est malade. Il doit s'enquérir de ses nouvelles. Et il doit lui prodiguer le conseil s'il y a besoin. D'accord ? Et faire en sorte de lui donner la forme, de l'apaiser, de la rassurer. Et surtout aussi qu'une visite soit faite de façon raisonnable. Ça veut dire si vraiment il est très malade, très fatigué, ne le fatigue pas plus encore à rester longtemps à parler ou je ne sais quoi. Tu y vas, tu te poses un petit peu, un petit salam, un petit kalem, tu repars. Tu repars. Des fois, les gens, ils ont besoin de repos. D'accord ? Il ne faut pas leur alourdir leur convalescence. سابعا المشروع ياتي اتباع جنازة المسلم للصلاة عليها وحضور دفنها وهي فرض كفائي كما قلنا. C'est le fait de devoir suivre la janaza du muslim, de faire la salat sur lui et d'assister à l'enterrement. Et que cela c'est une obligation commune, c'est-à-dire si un nombre suffisant s'en charge, cela n'est plus obligatoire pour les autres. نعم. والحديث الذي بعد. Le hadith qui suit. Bi'unwan, tayyib, c'est le 107e hadith du kitab et le 7e de ce fasl. Tahrim aziyat al-muslim. L'interdiction de nuire aux musulmans, de porter préjudice aux musulmans. Et ça rentre justement, ça rentre dans les hukouk qu'on a appris précédemment. Parmi le droit du musulman, que tu ne fasses pas de mal. Yaqul 'an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورواه البخاري. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم selon Abdullah ibn Amr que le musulman, c'est-à-dire par excellence, le vrai musulman, par excellence. C'est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Et le muhajir, c'est celui qui aura émigré, c'est-à-dire qui aura délaissé ce que Allah Azzawajal a interdit. Et le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Sachez une chose, le musulman par excellence, en premier lieu, je tiens à rappeler aux gens, à mes frères, à mes sœurs, remercier Allah Azzawajal de cette guidée de l'islam. Allah vous a donné un cadeau inestimable. Des fois, j'écoute des conversations de gens, des débats entre des gens et des choses. Les hommes sont dans un déni incroyable de leur nature première, hommes comme femmes. Voilà pourquoi ils se perdent et ils s'égarent. Le musulman qui a accepté Allah, qui a reconnu Allah comme étant son Seigneur, qui l'adore seul sans rien lui associer, qui sait qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui le suit, d'accord, qui connaît le Coran, la Sunna, il a une lumière dans sa vie qui est incroyable, qui lui évite de se perdre, de se disperser, de s'éparpiller. Les gens des fois parlent de choses pendant des heures que un verset te clarifie en une seconde, un hadith te clarifie en une seconde. Des gens parlent de choses qui sont relatives à la vie en société et tu les vois comme c'est pas des musulmans, ils ont pas de point de repère. Chacun a sa conception. Moi je pense comme ça, mais c'est mon avis. Moi je vois comme ça et c'est mon avis. Mais je respecte ce que toi tu me dis. Respecte moi ce que je dis. Et des fois ils disent n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et les gens ils aiment trop ça les débats. Ils aiment trop débattre pour rien. Vous voyez, alors que nous entre musulmans, comme encore le Ta'ala, fin tanazartum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khayrun lakum wa ahsanu ta'wila. Si jamais vous divergez en quoi que ce soit, envoyez-le à Allah et à son messager. D'accord ? Et cela est de meilleure interprétation. C'est tout. On a une divergence. On regarde ce que le Coran dit. On regarde ce que la Sunna dit. Et on s'y tient. Et l'affaire, elle est réglée. Ça nous évite bien des débats. Et celui qui est orgueilleux, qui ne veut pas entendre, on ne fait pas de notre temps avec lui. Après, je vous l'accorde, des fois, les koufars, il faut faire preuve de raisonnement un peu plus rationnel avec eux. Parce que le Coran, il n'y croit pas. La Sunna, il n'y croit pas. C'est à toi d'être assez intelligent pour voir des exemples de la vie de tous les jours, méditer. D'accord ? Méditer, donner un exemple. Et quand il dit oui, c'est vrai, et bien à ce moment-là, si tu crois qu'il a compris, tu lui donnes un verset qui va avec. Ben dans le Coran, elle a dit ça. Dans la Sunna, le prophète, il dit ça à l'islam, il enseigne telle et telle chose. Et tu pourras peut-être te convaincre. Mais si tu veux pas accepter, Allah ne t'a pas imposé de les convaincre. Le kafir, s'il n'est pas convaincu, tu n'as pas à te surcharger à faire un tas de procédés pour le convaincre. C'est lui, il ne veut pas accepter, il ne veut pas accepter. Alors qu'à la base, accepter l'islam, c'est une évidence. C'est comme parler avec un athée qui est un créateur. C'est une évidence. S'il ne veut pas accepter, tu ne peux rien y faire. Tu as affaire à un mu'anid. C'est un obstiné. Tu vas faire quoi ? Il ne veut pas écouter. Parce que les gens, il y a des gens, ils veulent parler avec les koufars, ils pensent que obligé, il va croire. C'est pas toi qui guide, c'est Allah qui guide. Tu peux lui mettre même de. Dans le Coran, là, il dit même si on faisait descendre les morts, les anges, qu'on faisait parler les morts devant eux, ils ne croiraient pas. Donc, même des miracles, des gens à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fendu la lune, enfin, il leur a montré la lune qui se fendait devant leurs yeux, ils n'ont pas voulu croire. Vous comprenez, donc ne vous prenez pas la tête et encore moins faire des péchés pour convaincre les gens pour la darwa. C'est une erreur monumentale. Tu dis ce que tu as à dire. Il aime, il apprécie, il ne veut pas accepter. Allah yaftah alayk, j'ai pas le temps à perdre avec toi. C'est pas moi le messager d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait un tas de choses, il a dit le message. Innama alayk al-balar wa alayna al-hisab. Toi, tu n'as qu'à retransmettre et c'est Allah qui tiendra des comptes. Les gens aujourd'hui, ils veulent, on dit, ils cherchent une mission, il faut que je guide les gens. T'es qui toi pour guider le cœur des gens? Ça c'est Allah. Toi tu es juste pour là pour indiquer. La guider elle est où? Celui qui veut l'apprendre, il l'apprend. D'accord? C'est comme les panneaux. Toi t'es comme, tu vois les panneaux indicateurs sur les routes? Voilà, on te dit, tu veux aller à. Tu veux aller à Bobigny, c'est à droite. Je t'indique. Maintenant tu veux te perdre, tu veux aller ailleurs, fais ce que tu veux. Moi je t'indique le panneau il est bleu, à Bobigny c'est par là. C'est tout. Celui qui est intelligent, il va aller à Bobigny, il va suivre le panneau. Et celui qui dit, non, moi je connais un concis, je connais, bah vas-y, fais ta vie, va là où tu veux. Et bah c'est pareil. Toi, tu es un indicateur. Bien sûr, tu as dit que de la meilleure façon, avec ton comportement, avec tes actes, et avec des preuves. Mais tu n'es pas là pour contraindre les gens. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit, afatukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin, allez-vous contraindre les gens pour qu'ils soient des croyants? Et ne va pas t'inventer des choses, t'inventer des règles en islam pour faire croire aux gens que, voilà. Une fois, là, il n'y a pas longtemps, un frère m'a raconté qu'il a eu un débat avec un frère à cause du fait qu'il a serré la main à une femme. Ils discutaient à deux, une femme allait passer. Elle a serré la main au premier, il a serré la main. Elle a attendu au deuxième, le deuxième, il a dit non, je ne serre pas la main aux femmes. Elle est partie. L'autre, il a dit, mais comme, pourquoi tu fais ça? T'es dur et tout, non, faut lui montrer une bonne image de l'islam et tout. L'autre, il dit non, j'ai pas le droit de serrer la main à une femme. Ouais, mais quand tu fais ça, elle va pas accepter l'islam. Il dit, j'en ai rien à faire. Moi, c'est interdit pour moi de toucher une femme étrangère. Je lui serre la main pour qu'elle rentre en islam. Je lui désobéir à Allah pour guider quelqu'un vers l'islam. C'est complètement incohérent ce que tu dis. Tu vois? Et en plus, en faisant ça, tu crées une division. Après, à cause de toi, je passais pour le dur. Mais si toi et moi, on avait dit non, madame, désolé, on ne sert pas la main aux femmes, on s'excuse. Par respect pour vous, déjà pour notre religion, et c'est pas une attaque envers vous, c'est, on fait ça avec une kafira, comme muslima. On ne touche pas les femmes étrangères. D'accord? Si tous on le fait, elle ne verra pas de dureté. Mais si tu en as un qui accepte, l'autre qui refuse, elle va dire que celui qui refuse, c'est lui qui est dur. Donc en désobéissant, c'est nous, on crée une dureté là où il n'y en a pas, en fait. Et on divise entre nous. Parce qu'après, ils ont débattu, les deux frères. L'autre, il ne voulait pas comprendre. Alors qu'il avait tort. D'accord? Pareil, demain, des koufars t'invitent à une invitation. Par exemple, il dit, ouais, viens nous voir. On va discuter de l'islam. Mais sur la table, il y a de l'alcool, il y a du haram, il y a tout ce... Tu vois, j'y vais pour la dawa. Tu n'y vas pas, mon frère. Tu n'y vas pas. Ou t'en as des fois, j'ai déjà vu des vidéos, ils acceptent des femmes, faire la repentir, ils s'assoient devant eux, ils parlent avec elles, ils la fixent dans les yeux. T'as pas le droit, mon frère, de faire ça avec elles. Elle veut se repentir, tu l'envoies vers une derrière, une femme, elle va parler avec elle. Et ben toi, tu viens, tu parles avec elle. Subhanallah. Bila hashma, bila hashma, bila haya. Tout ça pour dire oui pour la da'wah. La da'wah, elle ne t'appelle pas à désobéir à Allah, pour guider les gens. Jamais. Si jamais tu fais cela, c'est que t'as pas compris. Par contre, des fois, je l'admets, on doit l'admettre, c'est une faiblesse, on est faible. D'accord? Par exemple, Tena, un exemple, quelqu'un qui, une femme vient, lui serre la main, tend la main. Il est au travail, il dit, ouais, si je ne sers pas la main, elle va me virer ou vont parler sur moi. Il serre la main. Il a fait une faute, mais il va dire, je l'ai fait pourquoi? Par faiblesse. D'accord? Il admet, je n'aurais pas dû le faire, mais je l'ai fait parce que j'ai peur qu'on me vire ou j'ai peur qu'on parle sur moi. Mais il dit, astaghfirullah, tout brûlé, voilà. Mais tu en as d'autres, ils disent, non, c'est pour la darwa. Non, t'es un menteur. Pas pour la dawa que t'as fait ça. Donc ça, mais t'as fait une faute, reconnais-le. Premier pas pour la tauba et pour le... C'est reconnaître l'erreur qu'on a faite. Ne pas la justifier. On a fait une faute, on dit, c'est vrai que j'aurais pas dû faire ça. Homme comme femme. C'est vrai que j'aurais pas dû m'habiller comme ça. C'est vrai que j'aurais pas dû dire ça. C'est vrai que j'aurais pas dû faire ça. Mais les gens aujourd'hui, quand tu leur fais une nasiha par rapport à la chose, oui mais, ils veulent légitimer leur erreur. Ça, c'est pas bon, ça. Il faut accepter, t'as dit, c'est vrai. J'ai un moment de faiblesse, qu'elle me pardonne, ou j'ai du mal. Et ainsi de suite. C'est déjà une marque d'humilité et de modestie que tu reconnais ton erreur déjà. Et c'est un premier pas vers la tauba. Ah ben celui qui depuis le début justifie et veut refuser, lui va se perdre lui. Il a inshallah. Donc je vous disais, remercier Allah d'avoir fait de vous des muslimounes, ce qui fait que vous êtes en harmonie avec le monde, avec la création, car vous êtes mis à votre place. Malgré les fautes qu'on fait, malgré les péchés qu'on fait, on a pris notre place. Au même titre que les oiseaux ont pris leur place, que les poissons ont pris leur place, que le vent a pris sa place, que l'eau de la pluie a pris sa place, tout obéit à Allah Azza wa Jal, et tout glorifie Allah Azza wa Jal, et bien toi, tu t'es mis à ta place. Contrairement aux autres, qui eux, malheureusement, ne rentrent pas dans le rouage, et ne rentrent pas dans le cycle, et se rebellent. Et c'est ça qui amène... La majeure partie du désordre qu'il y a sur Terre, c'est le fait de ne pas prendre la place qu'Allah nous a donnée. Chacun dans la société. Celui qui ne prend pas sa place qu'Allah lui a décrétée, il cause le désordre sur Terre. Qu'il s'en rend compte ou pas. Donc on le dit que le musulman par excellence, c'est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Car la façon la plus violente de faire mal à quelqu'un, de nuire à quelqu'un, c'est par la main, par le physique. D'accord. Violente, je parle. Mais en réalité, nous, en tant que musulmans, on fait encore plus de mal par la langue, par le riba, par le namima, et ce qui s'ensuit. D'accord? Donc celui qui est un musulman qui craint Allah comme il se doit, ne nuit pas à ses frères, ni par sa langue, ni par sa main. Il ne ment pas sur lui. Il n'invente pas sur lui. Il ne le médit pas. Il ne le calomnie pas. Il ne le diffame pas. Et ce qui s'ensuit. Et il ne l'agresse pas physiquement. D'accord? Il ne fait pas de mal. Et quand on règle un problème, on l'a dit au début, on revient au Coran et à la Sunna. On n'a pas besoin d'en arriver aux mains. La langue, on en aura besoin. Mais les mains, à la base, on n'en a pas besoin. Sauf lorsqu'il y a un outrage qui a été commis et que tu es une autorité et que tu peux arrêter ce mal par ta main. Car il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man ra minkum munkara, falyughayyir biyadihi, falyumsatir fa bi lisanihi ila akhirih. Celui qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue, et ainsi de suite. Donc des fois, tu es même dans l'obligation d'agir par la main. Quitte des fois à être violent, s'il le faut. Tant que cela n'amène pas un plus grand mal. Et c'est une solution qui est à notre portée parfois. D'accord? Mais de base, là, ça va être, on va dire, une forme de violence qui va être légitime. Elle va être légitime. Là, le hadith parle d'une violence qui est illégitime. De paroles qui sont illégitimes. Et ensuite, il dit, ou le muhajir, c'est-à-dire le muhajir qui a fait une hijra qui est parfaite, c'est celui qui aura délaissé ce que l'Azogel aura interdit. Alors, il y a des gens, vous voyez, justement pour pouvoir justifier le fait qu'ils n'arrivent pas à faire la hijra, prennent ce hadith pour dire oui, mais la vraie hijra, c'est de délaisser les péchés. On leur dit oui, et vivre en pays de kufr, où tu ne peux appliquer ton dîn, c'est un péché. Donc la hijra même de quitter le pays de Kufr pour le pays d'Islam rentre dans cette hijra-là que Allah a ordonné. Donc ce hadith n'est pas à votre avantage. Ne vous cachez pas derrière ce hadith et de le sortir de son contexte. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas en mesure de partir. Concrètement. Ou tu as des gens qui n'ont pas encore la force, elle y mène pour partir. On dit, tant que tu es dans ce cas-là, alors au moins, commence à ton niveau, à ton stade, de délaisser ce que Allah interdit comme péché. Car si jamais tu restes impunément en pays de Kufr, en pouvant partir, plein de choses que tu vas commettre, tu ne seras pas excusé, tu ne seras plus dans une daroura, dans un besoin. Non, parce que tu es là volontairement, de façon sans excuse. Donc tout ce que tu vas commettre comme acte interdit malgré toi ici, parce qu'il y a des choses qu'ici on ne peut pas y échapper, et bien toi, comme tu peux partir en vrai, tu ne pars pas, ça sera compté comme péché contre toi. Par contre, celui qui est bloqué pour une raison valable, alors il rentre dans certaines situations, dans un cadre de daroura, de nécessité, des choses qu'il ne peut pas y échapper. D'accord? Il ne peut pas y échapper. Là, c'est autre chose. Donc nous, à la base, on doit faire preuve de pudeur envers Allah Azzawajal. Déjà que lorsqu'on se trouve en pays de Kufr, malgré nous, alors au moins, on fait profil bas, comme on dit. On fait profil bas. On agit correctement. On s'habille correctement. Et surtout, on adore Allah correctement. Et on fait autant d'efforts qu'on peut dans notre vie de tous les jours. À la maison, en famille, avec les enfants, avec les voisins, avec les frères, avec les sœurs, ce qui s'ensuit. On ne se laisse pas aller. On ne se laisse pas aller. Donc le vrai musulman par excellence, c'est celui-ci. Celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de ses mains. Et le muhajir haqiqi, c'est celui qui aura délaissé ce que Allah a interdit. Et il aura vraiment délaissé avec conviction. Car je vous l'ai dit, il y a des gens, des fois, il y a des choses, ils les commettent et ils justifient leur acte en étant dans le déni face à des adillah, des choses qu'ils ne doivent pas faire, ils les font quand même. Et tu leur dis, et tu as toujours le oui mais. Ce oui mais là, wallah, et qu'est-ce qu'il est dangereux, qu'est-ce qu'il est fatigant. Des choses tellement évidentes, tellement simples, oui mais. malheureusement. Taïeb. Je voulais prendre le troisième hadith, mais bon, le temps que ça a pris, vu l'heure qu'il est, ça nous khafif alaykoum, inshallah ta'ala. Et on le gardera pour le prochain ders qui aura lieu normalement mercredi. Et je pense que je resterai sur cet horaire. Illa inshallah, s'il y a un changement, je vous en tiendrai informé. Allahu barik fikoum, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.